N'écoute plus les podcasts en solo. Avec le label Podzob, les podcasts s'écoutent à deux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche. Aujourd'hui, un menu spécial reste. Parce qu'on va pas se mentir, la fin de saison approche et en fait, je cale dans le menu de ce soir et de la semaine prochaine tout ce qui n'a pas été émis depuis cette année. Et il y a des chroniques qui sont écrites depuis longtemps. Le corbeau, lui, fait toujours dans l'actualité, donc ça, on l'en remerciera pour ça. Donc aujourd'hui, au menu, en entrée, je vais vous proposer King Cobra. Imaginez Monsieur Miyagi contre un cobra géant. Ça a l'air con, hein ? Il y a des chances que ça le soit. En plat principal, le corbeau va vous proposer la dernière Statamerie, à savoir Working Man. En dessert, je vais vous proposer Les Maîtres du Monde, une série B paranoïaque des années 90 avec Donald Sutherland et qui est une sorte de décalque de l'invasion des profanateurs de sépulture. Et enfin, en dessert, je vais vous proposer Poursuite, un petit film d'action avec Keanu Reeves qui ne vaut que... parce qu'il est là. Voilà. Bon, et écoutez, on y va. On va attaquer le menu avec King Cobra, donc. Et le fait de ne pas réussir à trouver le DVD d'Anaconda me pousse vraiment à acheter n'importe quel DVD avec un gros serpent sur la jaquette. Et ça m'a donc amené vers ce King Cobra, sinistre série Z de fin de catalogue, aussi divertissante une croix éventée avec à peu près le même intérêt. Bon, on a donc défini quelle est mon excuse, aussi nulle soit-elle. Mais quelle est celle de ce pauvre Pat Morita? Comment a-t-il pu passer de l'inoubliable Monsieur Miyagi à ce chasseur de serpents masochiste? Et encore, j'ai l'air comme ça de critiquer Pat Morita. Mais c'est lui qui sauve le film de l'ennui le plus complet. C'est bien simple, je l'ai vu 2 semaines avant d'écrire cette chronique et j'ai déjà tout oublié, si ce n'est le vide abyssal qui résulte de ce métrage. Laissez-moi tout de même essayer de vous résumer le bousin. Des crétins en blouse dans un labo secret jouent à croiser les serpents pour créer le serpent le plus dangereux, le plus violent, le plus vicieux, bref, super serpent. Tiens d'ailleurs, je suis sûr que le logo SS ferait fureur en ce moment. Bref, un veto, son crush et Monsieur Miyagi vont vouloir se faire une paire de bottes king size, et nous, on va attendre patiemment la fin du bidule. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas compris, je ne vous conseille pas vraiment King Cobra, sauf si vous avez envie de vous faire du mal. Allez, maintenant on écoute le corbeau nous parler de Working Man. Ah, Instatam. Ça va encore être de la finesse en barre. Levon, Jason, est ouvrier du bâtiment. La fille de son employeur se fait kidnapper par des tarés russes. Enfin, des russes, quoi. Et notre bon Levon, qui est un ancien militaire, va tenter de la retrouver grâce au dialogue et des procédures judiciaires au cordeau. Non, je déconne. Il va péter des bras, casser des bouches, égorger, poignarder, fusil à pomper, sniper des russes, des bikers et des tordus. Qui est étonné? Ce John Wick chauve ne révolutionne pas le genre. Mais c'est propre. Enfin, façon de parler. David Ayer, qui avait déjà tourné The Beekeeper, applique la routine de tout bon Statham. Statham parle peu, Statham plisse les yeux, Statham demande gentiment, Statham demande moins gentiment, Statham pète un bras, Statham te plante un couteau dans la gorge, Statham te ventile la boîte crânienne au fusil à pompe, Statham bute tout le monde et fait cramer les lieux. À part l'inévitable gamine de 10 ans qui fait chier à se comporter comme une quadra, le reste tient la route. C'est bas du front possible, totalement prévisible, et pourtant, le bourrin qui sommeille en chacun de nous en ressortira satisfait. Ça ne lésine pas sur le sang, et puis des Russes qui se font massacrer, ça convient à tout le monde. Enfin, sauf peut-être aux Russes. Mais là, ils ont au moins le bon goût de ne pas mourir empoisonnés ou à cause de balustrades mal fixées. Il y a du progrès. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci Jason. À la surprise générale, Statham fait du Statham et le corbeau fait du corbeau. Allez, au dessert maintenant avec Les Maîtres du Monde. Et aujourd'hui, je me fais plaisir, comme les autres jours, ceci dit, avec Les Maîtres du Monde, film de SF parano adaptant Heinlein, avec rien de moins que Donald Sutherland et Keith David au casting. Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Ce film est sorti peu de temps après Histoire sans fin 3, et le petit nostal qui adorait Histoire sans fin a été voir le troisième volet au cinéma avec sa mamie pendant les vacances. Et avant ce film familial, il y a eu la bande-annonce de ces Maîtres du Monde. On y voyait notamment les parasites du film cachés derrière des portes sauter sur des humains pour les contrôler. J'ai passé le reste des vacances à checker nerveusement derrière chaque porte que je franchissais. Même la porte des toilettes. Et je la franchissais souvent. Je dois être le seul couillon suffisamment traumatisé par cette bande-annonce pour encore m'en souvenir 30 ans après. Au point de toujours chercher à voir ce film. Et rétrospectivement, je me demande pourquoi ce film n'a pas marché. Peut-être que le public n'avait pas envie d'un film parano et pessimiste, parce que sinon, le film est bon. Il a visuellement une patte très 90s à budget serré, mais c'est propre. Le rythme prend son temps, mais il referme petit à petit sa parano sur nous et les situations s'enchaînent tout en fluidité. Le casting est plutôt bon, on retrouve de nombreuses têtes bien connues des amateurs de bisserie, comme Will Patton ou Marchand Bell, le Cuato de Total Recall. Bref, une série B 90s des plus efficaces dans le sens noble du terme. Et pour l'anecdote, j'ai identifié certains sons de hurlement qui proviennent tout droit de Dungeon Keeper. Bon, et ben le dessert était plutôt savoureux ma foi, maintenant on va attaquer le digestif. Et donc, pour faire passer l'addition, je vous propose Poursuite. Un petit thriller d'action légèrement complot-plot, typique de la fin des 90s et totalement anecdotique. Réalisé sans passion, mais avec maîtrise par Andrew Davis, qu'on a connu plus affûté, avec par exemple Sale temps pour un flic, Nico, Piège en haute mer ou Le Fugitif, mais aussi moins en forme avec Dommage collatéral par exemple ou Le Meurtre parfait. Bref, sa filmo n'est pas des plus longues, mais on est loin du champ de navet, alors s'il n'arrive pas à se dépatouiller d'un Keanu Reeves et de Morgan Freeman, je soupçonne que c'est surtout qu'il n'en avait pas grand chose à carrer. Ça reste propre, parce qu'il connaît son métier, mais on s'emmerde. Le scénario à tiroir n'aide pas, c'est confus, alambiqué gratuitement, et ça mélange les slips et les chaussettes. De leur côté, Morgan Freeman, Brian Cox et Fred Ward font le strict minimum pendant que Keanu Reeves et Rachel Weisz tentent vainement d'insuffler un peu de vis à des personnages peu épais. Les SFX sont aléatoires, dirons-nous charitablement. Je trouve assez jolis les effets de fusion, par contre les explosions, pouf! Je parie que je peux faire mieux et en moins de temps, mais je reconnais que la technologie a évolué. Bref, ce Poursuite est aussi dispensable qu'oubliable, ni trop nul pour en rire, ni assez bon pour s'en amuser. Bon bah écoutez, un digestif qui a un petit peu le goût de flotte, hein, je suis désolé. On fera mieux la semaine prochaine, ou pas, parce que la semaine prochaine on fera toujours les fonds de catalogue d'ailleurs. Sur ce, avant de vous dire à la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner au flux des deux branques sinon rien. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi nous retrouver dans la Gazette. Et donc on va prendre des vacances pour cette fin de saison à partir du 1er juillet. Il n'y aura pas de ciné dimanche pendant juillet et août. Faut qu'on recharge un peu les batteries, qu'on écrive des nouvelles chroniques, qu'on voit des nouveaux films. Et je dois bien confesser qu'en ce moment, j'ai un petit peu de mal à me concentrer et à écrire. Donc, retour début septembre, frais et dispo. Enfin, on se retrouve encore la semaine prochaine pour une chronique habituelle. Et on va clore la saison en beauté avec un épisode dans les conditions du direct. Hein, j'ai mis des grosses guillemets. Je vais essayer de le diffuser en direct grâce à Radio King, mais je sais pas encore trop comment ça marche, donc je vais pas m'avancer sur ce sujet. Mais néanmoins, je vais enregistrer avec le corbeau. On va enregistrer tous les deux face à face, hein, et non plus en différé comme on fait en ce moment. Ce sera sans doute une émission un petit peu plus longue, puisqu'on va parler des films de l'un et de l'autre, et on va vraiment débattre un petit peu. Mais comme ça, on va terminer la saison en beauté, comme dirait l'autre. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.